Divers pays ont rapporté les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse Chine Nouvelle, la télévision satellitaire Finistan Hong Kong, le réseau chinois La Planète, l'agence de presse cubaine Prensa Latina, les agences de presse d'internet russes Primorsky et Deportchor, Weil Pongru, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, le homepage internet du Comité national d'études des déjoutiers du Congo démocratique et le homepage nouvelle des inspections du Forum allemand anti-impérialiste ont fait part de l'inspection par le maréchal Kim Jong-un du combinat du matériel de pêche de l'armée populaire de Corée nouvellement construit. Les réseaux chinois Le Peuple et la radio internationale et le homepage internet du Forum allemand anti-impérialiste ont informé de son inspection du combinat des matériaux de construction Tolima. Le homepage internet de la filiale polonaise de l'association d'amitié avec la Corée y a ajouté son inspection de la fabrique de la farine de poisson relevant de l'unité 810 de l'armée populaire de Corée. Les médias ont présenté les photos du maréchal coréen.